L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'héliosphère, la zone magnétisée entourant le Soleil, produite par les particules chargées du vent solaire, vient d'être remesurée à partir de données obtenues par les sondes Voyager et Cassini. Sa forme serait plus ronde que ce que l'on pensait auparavant. L'héliosphère est une sorte de bulle entourant le Soleil et contenant le système solaire. Il s'agit de la région qui est directement influencée par notre étoile. Au-delà de l'héliosphère se trouve le milieu interstellaire proprement dit. La frontière entre les deux est appelée l'héliopause. La taille de l'héliosphère est de l'ordre de 45 à 50 milliards de kilomètres, au-delà de l'orbite de Neptune. La limite de l'héliosphère est l'endroit où le vent interstellaire l'emporte sur le vent solaire. Comme le Soleil se déplace dans le disque galactique, le vent interstellaire semble venir d'une seule direction, la direction inverse de celle du mouvement du Soleil. Par ailleurs, des étoiles proches ont été observées arborant une traînée de particules chargées. Les spécialistes en avaient alors conclu que notre héliosphère devait avoir une forme cométaire, entre guillemets, avec une traînée assez longue, dans la direction opposée au mouvement. Mais les nouvelles données qui ont pu être rassemblées par une équipe internationale menée par l'astronome grec Kostas Dialinas de l'Académie d'Athènes montre que l'héliosphère aurait plutôt la forme d'une sphère. Ces nouvelles données sont riches car elles couvrent un cycle solaire entier de 11 ans donc. L'instrument INCA, Ion and Neutral Camera de Cassini, a été exploité pour imager le flux des particules associé aux données de la sonde IBEX, Interstellar Boundary Explorer, et de Voyager. INCA permet de détecter des atomes neutres provenant de l'héliopause qui sont produits lorsque des protons solaires se recombinent avec le gaz neutre du milieu interstellaire et se retrouvent rétrodiffusés et reviennent en arrière. À l'origine, INCA n'était pas du tout conçu pour observer l'héliopause, mais pour imager les ions qui sont piégés dans la magnétosphère de Saturne. Kostas Dialinas et son équipe, dans leur article publié hier dans Nature Astronomy, montrent que la forme quasi-sphérique de l'héliopause serait provoquée par la forte intensité du champ magnétique interstellaire, qui a été mesuré par Voyager 1 et sous-estimé jusque-là. Combiné aussi avec le fait que le ratio de la pression des particules sur la pression magnétique apparaît élevé à l'intérieur de l'héliosphère. Un champ magnétique extérieur plus fort implique qu'il peut interagir davantage avec le vent solaire sur le bord de l'héliosphère et compacter fortement la traînée résiduelle. La quasi-absence de traînée de l'héliopause a aussi pu être déduite des mesures de Cassini, car elle montre une chose inattendue. Les particules venant de l'extrémité de la traînée supposée suivaient les changements du cycle solaire presque exactement aussi vite que celles provenant de la zone plus proche. La traînée ne pouvait donc qu'être très courte, sinon un décalage temporel aurait été observé. La forme de l'héliosphère joue un rôle important dans le transport des rayons cosmiques galactiques vers la zone interne du système solaire où nous nous trouvons. La meilleure connaissance sur la frontière de notre système reste ainsi cruciale pour essayer de mieux protéger notre environnement proche de ces rayonnements énergétiques produits par les phénomènes les plus violents de l'univers. L'article de Kostas Dialinas et ses collaborateurs s'intitule « The Bubble-like Shape of the Heliosphere Observed by Voyager and Cassini » et il est paru dans Nature Astronomy hier, dans le volume 1, article numéro 115. Vous retrouvez le lien sur cet espace là-haut, bien sûr, en bas de ce billet, comme d'habitude. Allez, d'ici la prochaine, restez bien à l'écoute, sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog ou l'univers de l'héliosphère et de l'héliopause se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, toujours sur PodCloud, ainsi que sur Stitcher et YouTube, et avec tous vos flux préférés. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis les pieds sur terre. Allez, salut !